Vous écoutez France Culture. Deuxième temps de notre semaine consacrée au règne à l'époque de Louis-Philippe, roi méconnu et mal aimé s'il en est. Hier, Pierre Nora a cheminé pour nous dans les galeries historiques du château de Versailles, voulu par le roi bourgeois qui voulait réconcilier ainsi en inventant donc un lieu historique et de tableaux historiques, donc réconcilier ainsi l'époque de la Révolution française mais également l'Ancien Régime. Demain, nous nous intéresserons au chansonnier Béranger et jeudi, nous débattrons de ce qu'était ce régime de Louis-Philippe. Et aujourd'hui, eh bien, La Fabrique vous propose, dans un documentaire d'Olivier Chomel et de Renaud Dalmar, de découvrir la colonie sociétaire du Condé-sur-Vègre. Expérience fourriériste née dans les Yvelines en 1833. Il s'agit de la première expérience inspirée de l'œuvre de Charles Fourier, inventeur du phalanstère, un médecin et député, donc sous Louis-Philippe, a inventé cette utopie communautaire, mais elle a rapidement échoué avant de renaître de ses cendres à plusieurs reprises, puisqu'aujourd'hui encore, eh bien, la colonie sociétaire du Condé-sur-Vègre accueille le week-end les 25 colons et leurs familles, le tout en se souvenant du modèle lointain de Fourier. C'est ce que nous vous proposons jusqu'à 10h dans La Fabrique de l'Histoire, ce documentaire donc signé Olivier Chomel et Renaud Dalmar. Alors François, tu chantes avec moi ou pas? Ouais, vas-y. Ouais. La cité du bonheur, forte de son passé, vibrante en son présent, sûre de l'avenir, la colonie par la voix de sa grande famille heureuse. Illumine dans l'ordre le travail, l'harmonie, la fraternité, réponds aux vœux de son initiateur, honore la mémoire et lui dédie cet hommage de reconnaissance et de fidélité. Bon, alors ça, c'est du Jeanne Barbillon, 1972, qui était en dépit de ça, une bonne compositrice. Mais voilà, ça, on n'a jamais réussi à le monter. Faut être clair, hein. La colonie sociétaire de Condé-sur-Vègre, une utopie en forêt. Olivier Chomel, Renaud Dalmar. Cet hymne a été composé à l'occasion des... du bicentenaire de la naissance de Fourier, donc pour 1972, et là chacun s'était déguisé, il y avait des pièces de théâtre antiques, et il y avait ce chœur, il y avait les petites hordes, c'est-à-dire les enfants, des tas de jeux, il y avait un banquet natal, dont on a ici encore le menu, les prolégomènes hispaniques du salon, le saumon de la Vègre, qui est vite vu parce qu'elle fait un mètre de large, le cuisseau de sanglier rose des barillés au vin des Canaries, les tétragones Findus Harmonia, le plateau du Gastrosophe, les treilles de la grande maison. C'est une grande maison tout en longueur, bordée d'une vaste pelouse, avec une vigne ancienne sur la façade sud-ouest. Les spécialistes des utopies sociales du XIXe siècle connaissaient l'histoire de cet endroit. Ils furent très surpris d'apprendre qu'il n'avait jamais cessé d'exister depuis sa fondation en 1833. On s'attend tellement à ce que les expériences utopistes se délitent en 5, 10 ou 15 ans qu'on est éberlué de constater que certaines résistent. Certes, les préconisations de Charles Fourier sont loin d'être appliquées à la lettre, mais l'esprit du maître est bien là et son effigie également. Il y a 25 colons et leurs familles au ménage sociétaire de Condé-sur-Vègre, dans les Yvelines, autrefois Seine-et-Oise. Fourier avait identifié 12 passions fondamentales chez l'homme. 5 passions sensuelles, 4 affectives et 3 mécaniques. Il en avait déduit par la combinatoire les 810 caractères possibles. Par conséquent, le phalanstère, société idéale, devait compter 1620 personnes, un caractère de chaque sexe, ou un multiple de ce nombre. Cet homme apparemment austère, mais aussi follement drôle et caustique, fou littéraire à coup sûr, ainsi que génial visionnaire, a laissé des écrits pléthoriques, souvent déconcertants, Fourier prévoyant tout, décortiquant son propre système jusque dans ses détails les plus inattendus. Chacun, sauf Marx et Engels, qu'il avait lu avec attention, raille les délires de ce théoricien d'avant-garde. Il est naturel qu'un système bien en place mette en œuvre tous les moyens pour ridiculiser et combattre les idées qui pourraient le menacer. Observons que l'échec d'une utopie n'est pas la réfutation de la théorie dont elle s'inspire. Olivier Duisabeau, bonjour. Bonjour, enchanté, Olivier. Bonjour. Bienvenue à la colonie. Bonjour, bienvenue à la colonie. Bonjour. Bonjour. Alors, ici, nous sommes dans la salle à manger d'hiver. C'est donc une toute petite pièce comparée à la galerie. C'est là où on prend quelquefois les repas l'hiver, parce qu'il y a un petit poêle Godin quand même qui chauffe ici. Daniel Duisabeau. Et cette pièce a quand même deux éléments fourriéristes très forts. Il y a d'abord une gravure ancienne du phalanstère tel que l'avait imaginé Fourier, qui n'est qu'une utopie parce qu'il n'a jamais été construit. Vue d'un phalanstère, virgule, village français, la théorie sociétaire de Charles Fourier. Voilà. Alors ce phalanstère, vous voyez, il devait ressembler au palais de Versailles. C'est donc un grand bâtiment qui est en U. Grand. Très très grand, qui avait des galeries couvertes de manière à ne pas se mouiller quand il pleut. Et alors il a bizarrement une église, alors que toute la théorie fourriériste est complètement apolitique et religieuse. Donc bon, et il y a un phare qui est au milieu, qui représente, on ne sait pas très bien, enfin c'est une représentation qui est totalement utopiste. Alors on voit quand même des petits enfants qui courent sur le côté, là, pour montrer quand même que c'était un endroit où on pouvait vivre heureux. Le deuxième donc, spécimen de la salle à manger d'hiver, c'est qu'on l'a mis un peu bizarrement, on a mis la statue de Charles Fourier dans une pendule franc-comtoise. Et alors c'est ce petit buste qui a été en fait distribué à tous les abonnés du journal de la Phalange. C'était la prime à la fin de l'année. On avait donc et depuis, il a été réédité par le musée de Besançon. Mais donc nous, il date vraiment des années 1830 et avec l'abonnement du journal. Donc nous avons les collections complètes de la Phalange, de tous les journaux qui ont suivi dans les années 1830 à 1850. Le phalanstère. Le centre du palais ou phalanstère doit être affecté aux fonctions paisibles, aux salles de repas, de bourses, de conseils, de bibliothèques, d'études, etc. Dans ce centre sont placés le temple, la tour d'ordre, le télégraphe, les pigeons de correspondance, le carillon de cérémonie, l'observatoire, la cour d'hiver garnie de plantes résineuses et située en arrière de la cour de parade. L'une des ailes doit réunir tous les ateliers bruyants, comme charpente, forge, travail au marteau. Elle doit contenir aussi tous les rassemblements industriels d'enfants qui sont communément très bruyants en industrie et même en musique. On évitera par cette réunion un fâcheux inconvénient de nos villes civilisées où l'on voit à chaque rue quelque ouvrier au marteau, quelque marchand de fer ou apprenti de clarinette briser le tympan de 50 familles du voisinage. L'autre aile doit contenir le caravansérail avec ses salles de bal et de relations des étrangers afin qu'il n'encombre pas le centre du palais et ne gêne pas les relations domestiques de la Phalange. Ce côté-là, n'est-ce pas? Vous utilisez quel mot pour désigner cet endroit, Olivier Duisabeau? Alors ici, ça s'appelle la Grande Maison, qui est un bâtiment qui fait une trentaine de mètres de long, qui est au centre de la propriété et qui a à ceci de particulier que toutes les pièces ont exactement la même taille. Elles font 3 mètres par 3 et c'était l'idée de départ que à chacun selon ses besoins et donc selon qu'on était une grande famille ou une petite, on allait avoir une, deux ou trois chambres. Et qui sont des chambres relativement spartiates aujourd'hui, puisque il n'y a pas d'eau dans les chambres. L'électricité y est quand même, mais pas depuis extrêmement longtemps. Et il y a surtout un rez-de-chaussée commun où on retrouve toutes les pièces à vivre, qui sont une grande galerie, des cuisines, des salons. Et puis il y a quand même des douches, voilà, pour qu'on retrouve au premier étage. Le bâtiment de la grande maison, c'est un bâtiment qui date, je crois, de 1848, qui originellement avait pour ambition de continuer l'essai historique qui avait été tenté en 1833, monter une fabrique de carton. Et bien sûr, la production, à ma connaissance, il n'y en a pas eu. Du tout, non. Mais les machines ont été installées ? Même pas, parce qu'on ne voit pas de traces sur le sol. Et donc, ce qui est resté, c'est finalement ce bâtiment qui, finalement, est devenu la pièce à vivre, une pièce commune, dans laquelle on voit toutes ces tables qui sont mises bout à bout et où on a nos repas ensemble, les déjeuners et les dîners autour de cette table. On allait sortir des petits bouquins comme ça. C'était une journée au phalanstère. Jean Adam, ancien administrateur de la colonie. On s'amusait quand on lisait Fourier. Fourier disait, mais dans mon phalanstère, c'est-à-dire 810 patients, c'est-à-dire 1620 personnes, vous aurez 60 sortes de potage. Imaginez, quand une malheureuse ménagère rapporte chez elle une poule, que la poule est coriace, que ça ne plaît pas. Son mari lui dit, ma chère amie, je ne vous donnerai plus d'argent pour acheter des poules, regardez ce que vous nous faites manger. Tandis que dans un phalanstère, vous avez 1620 personnes, vous en trouverez bien 5, 6, 10, 12 peut-être, pour aimer la poule coriace. Voilà pourquoi mon système est le meilleur des mondes. Et c'était pas si fou. La colonie de Condé-sur-Vègre est quand même très marquée pendant longtemps, pendant plusieurs décennies, par les origines fourriéristes. Bernard Desmas, historien, président de l'Association d'études fourriéristes. Fourier avait imaginé que, en particulier pour essayer de résoudre les problèmes sociaux et pour essayer de fonder une communauté où les rapports entre les individus seraient harmonieux, il fallait créer donc un ensemble de 1620 personnes idéalement. Ceci dit, Fourier avait dit qu'on pouvait, si c'était nécessaire, faire des essais avec des populations plus réduites que les 1620 qui formaient le système idéal, à titre expérimental. Et la plupart des tentatives fourieristes qui se sont faites avec quelques dizaines ou quelques centaines d'individus. Ce qui permettait d'ailleurs à Fourier ou à ses disciples de dire que finalement on n'avait jamais essayé le vrai modèle, donc l'échec finalement ne signifiait pas que la théorie était en défaut. Vous fréquentez cet endroit depuis que vous êtes tout petit, Olivier Duisabeau. Alors moi je suis pratiquement né, effectivement. Je crois que j'ai été amené au bout d'une semaine pour présenter à l'ensemble des colons. C'est comme une deuxième famille. Et j'y suis venu enfant, j'avais plein de copains. Et j'y reviens aujourd'hui en tant que membre du ménage sociétaire. Et j'ai... président. Oui, j'ai été nommé il y a une dizaine d'années président, ce qui est un titre qui veut surtout dire que c'est celui qui se colle à la compta et à faire en sorte que tout ça fonctionne aussi harmonieusement que possible. L'harmonie, c'est ce qui devrait mener ce genre d'entreprise. Ah oui, l'harmonie, alors, c'est quoi ? C'est probablement un équilibre entre le savoir-vivre ensemble et des zones de vie privée et d'intimité. Et on se considère tous pratiquement, on va dire, comme des cousins. Il y a vraiment une grande amitié entre nous. Même si cette amitié n'existe finalement qu'à la colonie. On se voit relativement peu à Paris. C'est assez étrange, mais... Tout le monde est parisien ? Pratiquement, oui. Parce que c'est pour en profiter, il faut vraiment venir le week-end Donc tous ceux qui seraient hors de Paris auraient du mal à venir plus fréquemment. Détail à l'appui du projet d'acte de société. Le terrain destiné à la colonie sociétaire est actuellement de 490 hectares et s'étendra bientôt à 500, près de 1500 arpents de Paris, au moyen de quelques acquisitions presque terminées. Il s'y trouve des bâtiments considérables et un moulin que fait tourner la Vègre. Ce terrain appartient à messieurs Devet et Baudet Dulary, qui prendront des actions pour une somme égale à sa valeur authentique, c'est-à-dire pour environ 280 000 francs. La moitié des terres est toujours en bruyère et, d'après le prix, on n'en doit pas être étonné. Mais presque toutes ces terres sont susceptibles d'un grand produit, étant marnées et bien cultivées. Un matériel déjà considérable en bestiaux et instruments permet cet hiver de pousser le défrichement, le marnage et autres travaux, de manière que l'installation de 600 colons ait lieu par essaims successifs du 21 mars au 1er octobre 1833. Les bâtiments actuels peuvent recevoir le premier essaim de travailleurs et les nouvelles constructions très légères et très économiques, en bois et en briques, seront prêtes dans le courant mai. Le système de culture, adopté d'après les considérations générales et d'après l'examen particulier des lieux et de la nature des terres, consiste à cultiver peu de céréales, mais beaucoup de pommes de terre, destinées soit à la nourriture des hommes et des bestiaux, soit à être converties en fécule, beaucoup de racines, de plantes potagères et de plantes oléagineuses. Les prés, naturels et artificiels, présentent déjà une grande étendue. On les augmentera encore. Enfin, les plus mauvaises terres seront plantées ou semées en bois. On appliquera dans la colonie de Condé-sur-Vègre les moyens découverts par M. Fourier pour créer l'entraînement au travail par plaisir et libre option. Autant du moins qu'il sera possible de la faire avec les ressources dont la société pourra disposer et d'ailleurs avec toute la mesure et la prudence qu'exige la première mise en place d'une théorie. Alexandre François Baudet Dulary, 1832. Le sol est gorgé d'eau. La terre est un peu ingrate. Oui, ça c'est peu de le dire. En fait, ici on est un peu au fond d'une cuvette et je crois qu'à 50 cm sous la terre, il y a cette couche d'alliage, je crois, ou de glaise. Ce qui fait comme dans les Landes. Peut-être, oui. Effectivement, là, on s'entend patauger dans des mares qui sont au milieu de cette allée. Qui est au fond de la propriété. Et donc, c'est parce que cette terre était vraiment très ingrate qu'une partie de l'explication de l'échec de Condé se trouve. Rien n'a poussé pendant 2 ans et il a fallu financer tous ces ouvriers et il n'y avait pas de produits qui sortaient de la terre. Finalement, ce qui a marché, ce sont des arbres. Les pionniers, les fondateurs ont quand même été assez imprudents d'imaginer un phalanstère donc fourriériste qui nécessite évidemment une autosuffisance économique, une production dans un endroit pareil. Ah, ça a été tout le débat entre les théoriciens et les expérimentateurs. Alors Fourier avait indiqué qu'il fallait une quantité considérable de terrain. Il voulait partir sur, je crois, 1600 personnes, lever 100 millions de francs. Bien sûr, il n'a pas trouvé autant d'argent, mais il a eu ce médecin, Baudet Dulary, et un fermier local, le fameux Devet, qui ont apporté à l'époque, qui représentait à peu près 400 ou 500 hectares, et qui ont tenté l'expérience, mais rien ne pousse ici. Alexandre Baudet Dulary est un merveilleux spécimen de parlementaire utopiste. Et d'ailleurs, l'utopiste va dévorer le parlementaire. Bruno Fulini, historien. C'est-à-dire qu'il est élu député en 1831, c'est la première chambre de la monarchie de Juillet. Il a 39 ans au moment de son élection. C'est un homme enthousiaste. Il n'est pas républicain. Il attend beaucoup de ce nouveau régime et de ce roi bourgeois, Louis-Philippe, dont lui, comme d'autres en France à l'époque, attendent des réformes. C'est un médecin, un jeune médecin, et c'est un humaniste, c'est un homme curieux, qui n'a pas de souci d'argent, qui va s'en créer lui-même par amour de l'humanité. Il arrive au palais Bourbon plein d'espoir et plein d'optimisme, mais il découvre seulement les idées de Fourier. Il va être travaillé véritablement et converti par un jeune homme, quelqu'un d'encore plus jeune que lui, Victor Considérant. Considérant va très vite sentir en Baudet du Larry un futur converti. On a du mal à imaginer l'enthousiasme que soulevait Fourier, Olivier Duisabon, par ses pamphlets et surtout grâce à ses disciples qui ont été vraiment très prosélytes. Et des gens sont arrivés vraiment transportés de cette idée qu'on allait créer une nouvelle société, l'harmonie universelle. Et c'était des sentiments très forts. Il y a vraiment des gens qui ont tout abandonné. Alors pour aller à la colonie de Condé-sur-Vexin, c'est pas très loin de Paris, mais ce qui est vraiment étonnant, c'est tous ces Français, Australiens, etc., qui ont quitté leur terre pour traverser les océans et fonder des colonies aux États-Unis, en Algérie, au Brésil, etc. Charles Fourier est un philosophe et un poète. Bruno Fulini. C'est quelqu'un qui a imaginé un monde meilleur, mais sur du papier. C'est tout à fait fantasmagorique, c'est très beau. Et donc, ce premier essai de Phalanstère, comme ceux qui suivront et qu'il verra de son vivant, seront regardés d'un peu haut par le maître. D'abord parce que c'est l'œuvre de gamins pour lui, de gens qui ont 20 ans de moins que lui, qui sont des disciples, mais des disciples qui n'ont peut-être pas tout compris à l'œuvre du maître, ou de disciples qui sont aussi parfois gênés par certains aspects de l'œuvre du maître, qu'ils vont chercher à dissimuler. Toute la dimension des fantasmagories sexuelles est très très absente, bien sûr, de la colonie de Condé-sur-Vexin. Baudet du Larry est un homme sérieux, ouvert, généreux, mais aussi pragmatique. Et il préfère commencer par un petit essai, terme qui sera fustigé par Fourier, mais au moins qu'il y ait un semblant, un début de réalité. Bon, on part avec un objectif de 600 personnes, ce qui est déjà considérable, et en réalité, on n'y arrivera jamais. Si Alexandre Baudet du Larry avait offert une belle terre arable, les choses eussent peut-être été différentes. Nous aurions eu une colonie qui aurait marché, et peut-être que le monde, comme l'espérait Baudet du Larry et surtout Fourier, ébloui par cet exemple, eh bien, se serait massivement converti, puisque l'objet, c'était, à partir de ce premier essai, de montrer que cela marchait et de créer des vocations. C'est un échec acté vers 1835-1836. Bernard Desmas. Mais Baudet du Larry, pour essayer d'éponger les dettes, a dû revendre plusieurs centaines d'hectares pour rembourser ses créanciers. Reste notamment un petit territoire, le domaine actuel, donc de 34 hectares, qui, vers 1846-47, va servir pour une deuxième colonie sur le lieu. Avec Baudet du Larry encore, plus des ouvriers de Paris, un nommé Bouassy notamment, qui est un ouvrier et poète en même temps, qui fait des chansons ouvrières. Donc Baudet du Larry, Bouassy et quelques autres vont essayer de créer ce qu'ils vont appeler une association agricole et manufacturière, avec de la menuiserie, de la poterie, en particulier aussi de la cartonnerie, ce qui fait qu'on appelle parfois à ce moment la société des cartonniers. Donc ils vont tenter de mettre en place une activité de production. Ils pensent apparemment aussi avoir des activités agricoles, ça dure très peu de temps. La société est probablement mise en place en 1846. L'activité, on ne sait pas exactement quand elle démarre, vers 1847 ou 48, mais tout cesse probablement en 1849. En tout cas, en 1850, il n'y a plus rien. On longe ici la Vègre, qui est cette petite rivière qui peut presque se franchir en prenant son élan. C'est minuscule. Oui, alors c'est loin du schéma de départ qui vantait l'emplacement extraordinaire qui avait été trouvé pour le premier Phalanstère. La rivière était conçue comme force motrice au départ de cette aventure. Oui, bien avant. En fait, le moulin, lui, date, je crois, du XVIIe siècle. Et faisait partie de la propriété qui a été apportée au projet de départ. Ce qui a été construit, donc, c'est le phalanstère, c'est la briqueterie, c'est un peu plus tard des pavillons d'habitation. mais tout ça sur ce terrain donc, qui fait aujourd'hui 35 hectares et qui au départ était plutôt de l'ordre de 500 hectares. Bruno Fulini, il y a sans doute un peu de naïveté ou un excès de confiance, en tout cas chez Baudet-Dulary. Il a engagé dans ce projet des sommes d'argent considérables. Il arrive à se ruiner avec ça. C'est colossal, parce qu'il y a, je crois, 37 actionnaires au départ, mais à lui tout seul, il est à autour de 400 000 francs de l'époque. Ce sont des francs or, hein, c'est la même parité que sous Napoléon. Et les autres actionnaires cumulés représentent, je crois, environ 75 000 francs. Donc, véritablement, il a apporté l'essentiel de l'investissement. Et il l'a fait de bon cœur. Et donc, il va consacrer plusieurs années de sa vie, des années extrêmement dures, en restant sur place, en ayant démissionné de son mandat de député, à rembourser les débiteurs. Il va faire ça à ses dépens. Et ce qui est surtout remarquable, c'est qu'après cette aventure qui aura été si difficile, si désastreuse et qui l'aura ruiné, eh bien, Baudet-Dulary va rester fidèle. Au fourriérisme. Il n'est absolument pas aigri, il continue à croire à son œuvre. Non seulement il n'est pas aigri, mais il va se faire un véritable propagandiste par l'écrit du fourriérisme. Alors il va même tenir la librairie sociétaire, c'est-à-dire que c'est à Alexandre Baudet-Dulary qu'on va commander les principaux ouvrages de Fourier ou toute la glose rédigée par ses disciples. Il va publier un certain nombre d'ouvrages ou de brochures qui sont très nettement d'inspiration fourriériste. Puis il y a aussi ce savoir de médecin qui lui est particulier. Donc il va faire une synthèse assez curieuse du fourriérisme, des théories de l'évolution, des théories de la métempsychose. Évidemment, ce sera un spirit convaincu. Il fera tourner des tables sous le Second Empire. Il s'éteindra tardivement et dans l'indifférence générale en 1878. Finalement, ça aura été un touche-à-tout. Médecin, député pendant un peu plus de 2 ans, fondateur d'une colonie agricole et phalanstérienne, liquidateur de sociétés bien malgré lui, mais aussi philosophe, écrivain, imprimeur, libraire, drôle de personnage. C'est évidemment un cinquième, un huitième, un dixième couteau, Baudet-Dulary, mais il est tout à fait touchant. L'idée du phalanstère, normalement, ça implique une unité du bâtiment, une unité architecturale, Olivier de Visabeau. Or, le fait qu'on ait installé des pavillons en plus, c'est un peu un détournement, une anomalie. Eh oui, là vous touchez du doigt le fait que assez rapidement, l'idée de départ a été pervertie. Ce qui a été construit, c'est finalement un tout petit morceau de ce palais social qui est allé, lui, beaucoup plus au bout, au familistère de Guise. Donc derrière cette grande maison étaient construits effectivement 3 pavillons dans les années 1860 sur un modèle purement capitaliste. Il y a eu un colon qui était entrepreneur et qui a proposé de construire 3 pavillons de couleurs différentes, le blanc, le rouge et le jaune, qu'on appelle du coup par ces noms-là, sous le mode donc d'une fabrication qui ensuite serait rentabilisé par des loyers qu'il toucherait. Pendant 20 ans, il a touché ses loyers et à la fin de cette période, les bâtiments étaient cédés à la colonie. Donc, ce ménage sociétaire, quand il est fondé dans les années 1850-1860, c'est très clairement l'adhésion aux idées de Fourier. Bernard Desmas. Avec l'espoir que peut-être un jour pourra déboucher de cela une expérimentation fourriériste. Et dans un deuxième temps, il y a aussi la recherche d'une vie confortable, dans des conditions pas trop onéreuses. Il y a l'un des membres à la fin des années 1860 qui dit que à Condé, avec environ 1000 francs par an, on peut vivre très confortablement, bourgeoisement, là où à Paris, il faudrait des sommes beaucoup plus importantes pour avoir les mêmes services, le même confort, des domestiques, une cuisine faite par une cuisinière. Donc finalement, certains viennent y chercher un certain confort en étant avec des gens fréquentables, des gens agréables. des petits bouleaux sur la gauche et quelques très jolis arbres qu'on appelle les catalpas, qui sont très anciens, là sur la gauche. Voilà. Aline Morange. Et ce petit kiosque-là qu'on appelle le kiosque Millet, donc initialement c'était moins pointu, hein. Ça a été refait par mon père. C'est un endroit qui est très sain, malgré le fait qu'il soit tout à fait isolé dans la forêt, parce qu'il a été fait avec les briques, initialement du phalanstère. Alors, on avait une briqueterie, ça remonte à quand, Daniel, la briqueterie ? 1834. Voilà. Une grosse briqueterie qui est à 2 km d'ici, qui a fourni toutes les briques qui ont servi à toutes les constructions dans la région. Voilà. Donc il y a eu un petit peu de production tout au début. Ah ben il y a des milliers, des milliers, des milliers de briques. Oui. On a tous les livres qui donnent la production de la briqueterie. Donc c'est vraiment un endroit magnifique. Hein. Au milieu des oiseaux. Voilà. Quel lien rattache encore la colonie sociétaire de Condé-sur-Vègre à la théorie de Fourier? Alors ça, je vous présente une experte en la matière. Moi, je ne vais pas vous répondre, je donne la parole à Daniel. Non, on essaye quand même d'avoir un peu une vie encore un petit peu en communauté, donc non seulement au repas, mais on essaye de faire des travaux en commun. On se fait des week-ends où on dit tel dimanche on vient tous et on va tous enlever, défricher la parcelle un tel et on s'y met tous et l'hiver on fait beaucoup de feux en commun, donc ça a beaucoup de charme parce que là les travaux à l'extérieur c'est pas du tout ce qu'on a l'habitude de faire à Paris, donc on est content de se défouler et de ça, c'est bien ce qui nous unit. Et alors on fait aussi pas mal de soirées où l'on fait des petits topos pour les nouveaux qui sont là, en leur racontant un petit peu notre histoire, parce qu'on veut absolument garder cette idée quand même de... C'est pas seulement une maison de week-end bobo, on essaye de faire quelque chose qui vit par autre chose, et notre histoire est quand même notre ciment. Donc souvent en hiver, on fait une soirée où on dit, on vous racontera par exemple pourquoi tel colon a fait cette parcelle, tel colon a fait un herbier extraordinaire avec tous les champignons et toutes les fleurs de la région. Donc on fait des petites soirées où on présente à la fois les œuvres des colons et on raconte leur histoire. Moi ça, je trouve que c'est très important. Une sorte de lieu de mémoire du fouriérisme que l'on voit là. Bernard Dema. Et pour certains, je ne suis pas sûr que ce soit le cas pour tous les habitants, aujourd'hui comme hier. Enfin, en tout cas, hier, ça ne l'était pas. Et aujourd'hui, je pense que ça n'est pas le cas non plus. Mais pour certains de ces habitants, il est nécessaire de rappeler de temps en temps qui était Fourier. Il est nécessaire de s'intéresser au fouriérisme, de le connaître. Et il est nécessaire aussi de soutenir des études fouriéristes. Ça s'exprime aussi à travers l'accueil de personnes s'intéressant au fouriérisme. L'une des dernières revues du mouvement fouriériste s'appelait La Rénovation. Elle est parue entre 1888 et 1922. En 1898, certains des rédacteurs de La Rénovation vont faire un petit voyage à Condé et sont accueillis. Alors les rédacteurs de La Rénovation disent dans leur compte-rendu très clairement que désormais Condé est quand même très éloigné de l'idéal sociétaire. Mais il s'agit d'aller y replonger un peu comme ça, de replonger dans les racines du fouriérisme. Et ce qui resterait peut-être aussi quand même de ses origines, c'est quand même, et quand on y va, c'est tout à fait frappant, cette immense salle à manger avec une table très grande et cette idée du repas pris en commun, hein, du repas qui doit être pris en commun et qui là témoigne à la fois de l'importance chez Fourier de la gastrosophie, de la gastronomie de façon générale, mais ce qu'il appelait la gastrosophie, c'est-à-dire la sagesse de l'alimentation ou la sagesse du repas, et puis qui témoigne aussi de cette unité qui est maintenue malgré l'habitat morcelé, comme aurait dit Fourier, le repas reste pris en commun. Ici, était dû à trois choses. Qu'est-ce que c'est que ça, Monique Duisabeau? Alors c'est une très très jolie affiche, comme vous pouvez le voir, qui mêle à la fois de la couleur et du noir et blanc. C'est une affiche qui a été réalisée par Elsa Maillot, qui est une artiste de Besançon, qui a une trentaine d'années. Et son travail donc, a consisté à lire Fourier et à en faire quelque chose d'intelligible pour chacun de nous. Et donc cette affiche-là, c'est une relecture de la théorie des quatre mouvements, écrite en 1808. Donc le premier mouvement, qui est le mouvement social, consiste en l'organisation des liens entre les personnes d'une même société. Le deuxième mouvement, le mouvement animal, permet l'attribution de passions et d'instincts aux êtres vivants. L'attribution de ces instincts et de ces passions n'est pas seulement le fruit du hasard, mais l'invitation d'une nature harmonieuse. Le troisième mouvement, donc le mouvement organique, explique l'attribution des formes, matières, textures à toutes les substances. L'attribution de ces caractéristiques est la conséquence d'une nature équilibrée. Et le quatrième mouvement, le mouvement matériel, est celui de la gravitation, de l'attraction des objets. Ce mouvement a été découvert et non inventé par Newton. Le mouvement social est le plus important puisque les trois autres en découlent. C'est le petit résumé que nous propose Elsa Maillot de cet ouvrage difficile que nous avait pondu Fourier en 1808. Elle adopte un code graphique avec le noir qui représente la civilisation, qui est la société dans laquelle nous vivons, qui est Oni, et puis la couleur qui représente l'harmonie. Elsa Maillot a aussi choisi de mettre en lumière quelques-unes des phrases clés de cette œuvre. Je vous en lis quelques-unes parmi mes préférées. Le bonheur, c'est d'avoir beaucoup de passions et beaucoup de moyens de les satisfaire. Et puis une autre, il faut éviter l'uniformité, la tiédeur et la médiocrité, qui sont les trois ennemis naturels des passions et de l'harmonie. Ça fait penser un peu à ce qu'on fait à la colonie, c'est-à-dire qu'on quitte la civilisation de Paris et puis on vit à la colonie en harmonie. Il faut qu'on aille voir la bibliothèque, Daniel Duisabot. Allons-y, absolument. Je suis arrivé là en 1951. Comme visiteur. Comme visiteur, bien sûr. On était, tiens, on va passer à la colonie, tu verras, c'est marrant. Jean Adam, ancien administrateur de la colonie. Et alors, j'ai vu des gens très bien, très affables, qui avaient un langage choisi, et qui m'ont dit, voyez là-bas, c'est Fourier qui nous a créé. Fourier. Et je dis, oui, comment? Vous connaissez? Bah oui. Mais comment? Bah voilà, en première année de droit, j'avais 17 ans, je suis allé à la bibliothèque, c'était en 44, la belle époque, et j'étais passionné par l'histoire des théories économiques. J'ai emprunté le Gide, l'histoire des théories économiques, et j'ai lu les 7, 8, 12 pages sur Fourier, où Gide, avec beaucoup d'indulgence, dit « oui, c'est un fou ». Il était complètement fou, mais d'abord, il n'a pas dit plus de sottises que les autres économistes. Et puis enfin, il y avait quand même des choses à prendre. Et depuis, je suis resté très attaché à Fourier, vu par Charles Gide, c'est-à-dire avec beaucoup de gentillesse, beaucoup d'indulgence et finalement beaucoup de reconnaissance pour ce qu'il a apporté au domaine de la coopération. Donc Fourier était fou, mais il a quand même laissé des bons souvenirs. Mais à la colonie, on n'en parlait pas trop. C'était le monsieur là-bas au-dessus de la bibliothèque. Cette bibliothèque, justement, a toujours été pour moi un problème, car autant on ne parlait pas de Fourier à la colonie en 1950, 1960, autant la bibliothèque était un hymne continu à Fourier, car les colons, même s'ils n'en parlaient pas, ont continué à enrichir les bibliothèques. La bibliothèque ne fait pas 10 mètres carrés. Mais je vous assure que si vous regardez non pas par terre, mais sur les murs, vous y trouvez pas mal de choses. Il y a aussi bien Oui-Oui et les Dénis de Blyton. Il y a la Comtesse de Ségur. Alors, on a un peu évacué ça pour laisser la place aux livres, mais il y a tout le reste. Donc on a encore une statue de Charles Fourier qui est au-dessus de la porte de la bibliothèque. Alors ça, c'était... quelquefois, on la couronne d'une petite couronne de laurier. Son nez est un peu ébréché. Bon, gentiment. Donc voilà la bibliothèque qui a son odeur très particulière. Avec notre bibliothèque en or, c'est cette partie-là. Les œuvres complètes de Fourier qui ont été bien reliées. Nous avons les brochures socialistes, nous avons Harel, nous avons Cantagrel, nous avons tous les livres de Baudet du Larry. Les caractères humains, dont la disparate a si fort désorienté nos sciences, ne sont autre chose qu'une mécanique de cinquième puissance à 12 tétraoctaves, formant 576 touches de gamme, soutenues par 234 touches de sous-pivots et, ambigu, en divers degrés. Il est bon de faire entrevoir ces immenses problèmes, tant pour faire juger de l'attention qu'on doit au calcul des séries mesurées, qui nous l'expliqueront, que pour signaler la petitesse des théories civilisées qui spéculent en accord domestique sur la plus petite combinaison possible, sur le doux ménage sans argent, borné à un tendre époux, querellant sa tendre épouse, et à des enfants demandant du pain au père qui leur donne le fouet. Quand on a su, en 3000 ans de travail, inventer que ce pitoyable mécanisme social, comment ose-t-on douter qu'il ne reste une grande théorie à découvrir sur les passions et que son étude ne soit l'affaire d'un jour et qu'il n'y ait en ce genre un nouveau monde aussi inconnu que l'était l'Amérique d'avant Colomb ? Charles Fourier, La Phalange, 1846. Une partie des écrits de Fourier, Bernard Desmas, ceux qui apparaissaient comme les plus fantastiques ou les plus osés ou les plus audacieux, les plus inconvenants aux yeux de la morale, certains textes n'ont pas été publiés du vivant de Fourier. Il a fallu attendre parfois très longtemps pour leur publication. Donc il y a un certain nombre de textes, effectivement, qui pourraient suggérer qu'on n'est pas toujours très éloigné de la folie. Folie ou poésie, ou les surréalistes s'intéresseront à Fourier. Donc il y a cette dimension-là d'être au-delà du réel ou en dehors du réel habituel. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il s'amuse de temps en temps, Bernard Desmas, quand on lit sa typologie du cocuage? Il distingue 67 types bien séparés de cocus. Quand il écrit ça, il s'amuse, non ? Fourier n'avait pas l'air de s'amuser. Hein. Et de façon générale, les représentations qu'on a de lui, en particulier le portrait de Jean Gigoux qui est au musée de Besançon, montrent un Fourier, au contraire, assez triste, peut-être avec le poids des malheurs du monde sur les épaules. Et donc, on n'a pas le sentiment qu'il s'amuse beaucoup, mais peut-être est-ce au second degré, effectivement, qu'il faudrait prendre certains de ses textes. Mais même s'il s'amuse, il le fait très sérieusement et avec effectivement un sens à la fois de la classification, du néologisme. Il aime beaucoup inventer des mots nouveaux et donc il s'agit d'aborder un monde nouveau avec lui, tout à fait extravagant par certains moments où les lions deviennent des antilions et tirent les carrosses, où les baleines deviennent des antibaleines et tirent les bateaux sur la mer. Donc il y a cette dimension tout à fait extravagante qui a fait douter donc certains de sa santé mentale et qui a suscité chez certains de ses disciples parfois des mouvements soit de répulsion, soit au moins de censure, en considérant que si on voulait être pris au sérieux, il fallait éliminer ces aspects-là. Et effectivement, les disciples ont assez largement censuré une partie de ses œuvres. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait des colons qui vivaient à l'année ici. Et aussi paradoxal que ça puisse paraître, même dans les années 1870 ou 80, la communication pour venir ici sans voiture était relativement facile. Le train s'arrêtait au Perray-en-Yvelines, et là, il y avait toujours une voiture, ce qu'on appelait la voiture, avec le même homme qui venait. Et alors, je ne sais pas comment on arrivait à le prévenir, mais il était toujours disponible. Et moi, j'ai tous les écrits de la tante qui disait « J'ai été voir papa aujourd'hui, qui vivait à l'année ici. » Alors, quand même, l'histoire, c'est que mon père racontait que dans la calèche qui desservait Oudan, qui partait du Perray jusqu'à Oudan, il se rappelait très bien d'un monsieur à barbe noire. Et c'était Landru soi-même qui allait jusqu'à la maison qui était juste à Oudan, là. À Gambay. À Gambay, oui, mais c'est avant Oudan, mais c'est juste avant Oudan. Voilà, il allait. Le grillon du foyer, le nom n'est pas. C'est vrai que la maison s'appelle comme ça. la cloche nous a joué des gros gros tours. Alors qu'en fait, ça n'est que pour appeler les enfants qui sont au bout de la forêt en leur disant « Venez vite vous laver les mains, le déjeuner est dans 2 minutes. » Et puis il a un sens bien précis, bien précis. Qui n'est pas oui, religieux. Oui, mais... Non, qui n'est pas religieux, mais cette connotation nous a collé à la peau jusqu'à il n'y a pas longtemps. Les gens avec qui on fait maintenant on est très amis disaient « Mais on pensait que vous étiez une secte, une... » Non, non, mais c'était un peu... On avait une réputation un peu bizarre. C'est vrai qu'on était un peu repliés sur nous-mêmes quand même. Maintenant, on a un peu élargi comme notre... Peu avec les très alentours. Peu, très peu, oui. Bon, suffisait. Le mot phalanstère a été supprimé pour la colonie parce que cette connotation le déplaisait aux alentours. C'est Fourier qui a créé le terme de phalanstère, donc phalange et monastère, c'est un peu les deux mots. Mm-hmm. Sur les cartes originelles, elles sont, le mot phalanstère figure. Il y aurait un aspect un peu figé dans le temps, un peu fossile. Ah, la colonie, c'est à la fois une idée qui est très moderne, on parle encore de Fourier aujourd'hui, et puis c'est effectivement une communauté relativement conservatrice. Olivier Duisabeau. On a ces traditions qui sont difficiles à faire bouger. Pour vous donner un exemple, on a voulu faire construire un tennis. Donc, il s'agissait de mettre d'accord 25 personnes, et bien on a mis 70 ans à finalement tomber d'accord pour la construction. Et d'autres débats sont en cours sur le même thème depuis des années. Quelle est la part de villégiature et quelle est la part d'attachement intellectuel à l'histoire des utopies? Je pense que les deux s'irriguent. Et la façon de vivre les loisirs à la colonie est nourrie aussi par cette référence d'une vie harmonieuse. Qui est partiellement inconsciente ou est-ce que vous y pensez Je pense que c'est très très présent. Beaucoup de choses s'organisent très spontanément. Le bien commun... Et toujours en toile de fond de tout ce qui est fait. C'est une attention aux autres en fait qui est présente. À la colonie, il y a plusieurs générations qui cohabitent. Et les jeunes enfants sont très proches des personnes plus âgées, leur rendent volontiers service. Et cette harmonie est réellement douce et agréable. Vos escarpins ne sont peut-être pas les chaussures les plus appropriées pour faire cette promenade, Monique. Alors, ce ne sont pas des escarpins, ce sont mes chaussures de colonie. Les gens qui me connaissent savent que ce sont des ballerines vernies qui sont imperméables et donc je peux marcher dans les flaques. J'en ressors sèche comme un canard, grâce à ces chaussures. Vous dites, Bruno Fulini, que les utopies s'arratent à chaque fois ou presque. Or, la colonie de Condé-sur-Vègre, elle existe, elle est là. Et d'un certain côté, c'en est une. La colonie l'utopie. De Condé-sur-Vègre est une utopie en retraite. C'est une utopie sage, c'est une utopie familiale, en quelque sorte. C'est-à-dire que ce qui est merveilleux, c'est qu'elle ait continué d'exister. Et qu'il y a une continuité depuis sa fondation par Baudet du Loiry, Considérant, Fourier et quelques autres, et puis les occupants actuels. Mais les différences sautent aux yeux. D'abord, elle n'est pas ouverte à tous. En fait, c'est une sorte de propriété privée collective. Maison de campagne collective pour des gens qui ont toutes sortes d'activités très différentes, qui évidemment ne sont pas exercées sur place. En même temps, on ne peut pas nier qu'il y ait un lien, un attachement très fort de la part de familles, puisque la plupart des sociétaires actuels sont sociétaires parce que leurs parents ou leurs grands-parents l'étaient aussi, et donc ont des souvenirs de parties de cache-cache dans ces bois, ces jardins ou sur les bords de la Vègre. Donc ça, c'est extraordinairement touchant. Je suis pas sûr que ça menace véritablement la propriété et le capitalisme. Au grenier, On a tous des portants avec toutes les robes anciennes de nos grands-mères. Alors tout le monde se déguise, il y a les chapeaux de forme, il y a les smokings. Alors tout le monde va au grenier, c'est l'excitation, on se retrouve. Il y a un habit de polytechnicien complètement mité, mais on adore l'habit de polytechnicien. On aime beaucoup, beaucoup se déguiser avec le grenier. Les enfants sont absolument... Il y a des boas, des plumes, des... Et après, vous vous étonnez que les gens du canton vous considèrent un peu bizarrement. Mais non, mais ça, c'est entre nous. Bruno Fulini, si vous aviez vécu au 19e siècle, en réalité, vous vivez un peu au 19e siècle par les sujets auxquels vous vous intéressez, est-ce que vous auriez aimé prendre part à ce genre d'expérience? Je me réjouis chaque jour de ne pas être né au début du 19e siècle, car je suis suffisamment gogo pour m'embarquer dans ce genre d'aventure. Et je pense qu'avec la même incompétence absolue en matière d'agriculture, j'aurais pu être séduit par un projet comme celui de Baudet-Dulary, bien entendu. Comment ne pas être séduit et par la philosophie de Fourier, qui est quelque chose de tellement étonnant et de tellement beau aussi, tellement prometteur, bien sûr. Et puis, comment ne pas prendre part à son premier essai de réalisation. Donc, c'est pour ça que l'échec de Baudet-Dulary est à la fois très touchant et puis doit sonner comme un avertissement. Ça chope toujours sur les mêmes choses. Des dirigeants qui sont des intellectuels complètement éloignés des réalités de l'organisation du travail, des individus qui se disputent, la question des femmes et des jalousies, et quoi qu'on fasse, on n'arrive pas à régler cela, et donc ça donne soit des orgies, soit des disputes, et dans tous les cas, évidemment, ça n'accroît pas la productivité de tout le monde, et puis à la fin, on aboutit à quelque chose de tellement insupportable pour tout le monde que la communauté se disloque et disparaît. Et c'est terrible à dire, mais le fourierisme, il faut bien le reconnaître, ça ne marche pas. C'est une merveilleuse vue de l'esprit, ça n'est qu'une vue de l'esprit, elle nie quelque chose d'essentiel qui sont les conflits entre les hommes. Les conflits ne sont pas contingents, ils font partie de la nature humaine. L'être humain est querelleur, jaloux, batailleur, parfois méchant, mesquin. Il ne suffit pas d'être dans un beau palais et d'avoir ses passions et lubies contrebalancées par celles des autres, ça ne suffit pas. La colonie sociétaire de Condé-sur-Vègre, une utopie en forêt. Avec les colons Jean Adam, François Brucker, Daniel Duisabeau, Monique Duisabeau, Olivier Duisabeau et Aline Morange. Ainsi que Bernard Dema, président de l'association d'études fourriéristes, auteur de « Militants de l'utopie, les fourriéristes dans la seconde moitié du 19e siècle, aux presses du réel », et Bruno Fulini, historien. Remerciements tout particuliers à Jonathan Beecher, auteur de biographies critiques de Charles Fourier et de Victor Considérant, à Monique Adam et à la Bibliothèque historique de la ville de Paris. Texte lu par Daniel Königsberg. Archivina Aurélie Marseille, prise de son Raymond Albouy et Yves Lehors. Mixage Alain Joubert. Un documentaire d'Olivier Chaumel, réalisé par Renaud Dalmar. Voilà pour ce documentaire d'aujourd'hui. Vous pouvez toujours l'écouter ou le réécouter en allant sur le site de France Culture. Vous pouvez l'écouter pendant 1000 jours, mais également le télécharger pendant un an après sa diffusion. Vous pouvez également laisser des messages sur notre page www.franceculture.fr, à la page de la Fabrique de l'Histoire, ainsi que sur le groupe des Amis de la Fabrique de l'Histoire sur Facebook. Et demain, nous continuons notre semaine consacrée à Louis-Philippe en nous intéressant à ce chanteur Béranger, donc chansonnier, mais également à tout le milieu de la chanson sous Louis-Philippe.